umukenyezi Seruka. Ibyari magera byarageruye. Umukenyezi Seruka ni kiganiro mutegurirwa na Radio Isanganiro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission Mukenyezi Seruka. Le 27 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. À cette occasion, l'Organisation internationale médicale mondiale a organisé des sensibilisations sur l'entrepreneuriat féminin dans différentes universités de Bujumbura et Kayanza dans le cadre du projet Femmes Debout. Médicale mondiale est une organisation internationale allemande qui a comme vision principale d'un monde sans violence où les femmes et les filles vivent dans la dignité et la justice. La mission principale de Medica Mondial est de prévenir les violences basées sur le genre, soutenir les victimes et autonomiser la femme. Et à travers le projet Femmes Debout, Medica Mondial arrive à soutenir l'entrepreneuriat féminin en agissant sur trois axes qui sont la sensibilisation, l'accompagnement et l'aide financière. Et en plus de cela, Medica Mondial accompagne des survivantes des violences sexuelles et basée sur le genre, donne des renforcements des capacités des organisations féminines et institutions des femmes. À la présentation, vous retrouverez médiatrice Ndikumana. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Il y a un adage burundais qui dit que la femme est le pilier du développement. Elle peut y arriver si et seulement si elle a des moyens nécessaires. Cependant, il y a des femmes qui n'osent pas à cause du poids de la société. La façon dont la femme et la fille sont traitées dans la société conditionne leur mode de vie. Souvent, une femme est considérée comme une femme au foyer, celle qui cultive les champs, qui élève le bétail, qui puise de l'eau et cherche du bois, du chauffage et surtout prendre soin de sa famille. Ses responsabilités familiales lui laissent très peu de temps à consacrer aux activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons des femmes qui ont cru en leurs rêves, en leurs projets, en leurs perspectives de développement et leur capacité à le faire évoluer. Les femmes ont compris que la confiance en soi est l'une des clés plus importantes pour tout entrepreneur. Parmi ces femmes entrepreneurs, certaines collaborent avec l'Organisation Médica Mondiale à travers leur projet Femmes Debout pour sensibiliser les autres femmes et filles sur l'importance d'entreprendre en tant qu'une femme. Genda Demo Claudette, ingénieure de formation, femme entrepreneur qui collabore aujourd'hui avec l'Organisation Médica Mondiale, elle est propriétaire de l'entreprise Shurika et l'endroit de loisirs qu'on appelle Splash. Une autre femme s'appelle Irakoze Huguette Aurore, également ingénieure de formation. Elle est aussi entrepreneur et partenaire de l'Organisation Médica Mondiale. Elle est humoriste et elle a créé l'entreprise Champ Orode. Alors, toutes ces deux femmes nous racontent comment est née en elles cette idée d'entreprendre. Comme dans le domaine de la construction, on avait construit beaucoup de piscines privées. On avait l'expérience, l'expertise dans la construction et surtout dans l'entretien aussi des piscines. C'est ça le plus dur en définitive. Alors, on s'est dit, pourquoi pas ne pas construire des piscines publiques, parce que le sport de la natation n'est pas trop promu ici au Burundi. Alors, pourquoi pas ne pas construire des piscines publiques où les gens peuvent apprendre la natation, peuvent se développer dans ce domaine et peuvent s'amuser. Donc, tout en étant dans ma profession de construction, j'ai toujours eu un petit business à côté où j'ai appris les règles du commerce, où j'ai appris à vendre, à approcher, tenir ma clientèle, tenir ma relation avec le personnel. Donc dans tout ça, quand j'ai commencé tout jeune, j'avais par exemple une seule personne dans mon personnel. Puis au fur et à mesure que j'avançais, j'ai eu trois personnels, quatre quand j'étais dans la construction et la couture tout doucement. Et maintenant, avec le centre Splash Otapak, je crois que nous avons un personnel d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Je crois que c'était en 2019, quand ma fille avait 8 mois. Là, je me suis dit que quand même, je pourrais faire quelque chose. Je pourrais pas rester à la maison. Là, je me suis lancée dans le business de location de matériel de fête en ville. Et j'ai adoré ce travail. je l'adore toujours, parce que j'ai travaillé avec un cœur et un corps de maman, mais surtout avec un cerveau d'ingénieur. Et là, mon business, vraiment, c'était du top. J'ai eu beaucoup de succès dans mon travail. J'ai eu beaucoup de clients. J'ai eu beaucoup de gens placer leur confiance en moi. C'était vraiment bien. Après la naissance de ma deuxième fille, là, parce que là aussi, je me suis consacrée à elle. Et là, j'ai vu que mon business baissait. Donc là, j'ai vu que il y a eu la chute parce que je pouvais pas me consacrer au travail 100%. Donc j'étais à 80% à la maison. Et là, c'est là où l'idée m'est venue de créer mon entreprise Chanrod. Chanrod, ça veut dire, moi je m'appelle Aurore, mon mari s'appelle Rodrigue. Donc c'est comme le champ familial où on va cultiver tout. Et là, je me suis dit, ma vision c'était de chercher quelque chose où on peut travailler avec en utilisant nos talents, nos savoir-faire, notre énergie et notre temps. Donc là, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui me passionne. Je vais faire quelque chose qui me demande pas beaucoup d'énergie, qui me demande pas. Donc quelque chose qui est à moi. Je vais cultiver cette chose qui est à moi. Et là, je me suis mise à l'écart. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à me poser de bonnes questions. Si j'étais dans le désert, qu'est-ce que je pourrais faire. Si je suis quelque part où il n'y a pas ma famille, il n'y a pas mon mari, il n'y a pas mes amis, il n'y a pas... Donc, que moi je suis seule, qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai vu que en moi, j'ai le sens d'humour. J'ai le sens d'humour parce que je capte dans les groupes. Quand je suis dans les groupes, je suis cette animatrice qui est toujours là. Donc, quand il s'agit de nous raconter des histoires, des blagues, là, vraiment, ça me demande rien. Et là, je me suis dit, je pourrais me lancer comme humoriste. Et après, aussi, il y avait quelque chose aussi qui m'a passionné grave, c'était les anniversaires. En fait, moi, j'adore les anniversaires, que même si j'ai pas l'argent, je dois trouver quelque chose pour fêter les anniversaires de mes enfants. Et là, je me suis dit, je pourrais aider les autres mamans pour faire la décoration des anniversaires. C'est comme ça où j'ai créé Chanrod. Dans Chanrod, on utilise nos talents comme capital, comme investissement. Et là, j'ai commencé, c'était en 2023, comme ça. J'ai commencé avec Chanrod et commencé aussi en tant que humoriste. Betty Ebumwe, la responsable chargée de sensibilisation et mobilisation communautaire à Médica Mondial, explique pourquoi Médica Mondial a organisé ces sensibilisations dans des universités. L'objectif des sensibilisations qu'on fait sur l'entrepreneuriat féminin dans les universités et dans les écoles de centres d'enseignement de métiers, dans les centres de formation professionnelle et dans la communauté en général, c'est pour qu'il y ait cet éveil de conscience dans les communautés et surtout dans les universités, dans les écoles, qu'après les études, les étudiants soient conscients que c'est maintenant le moment de mettre en pratique ce qu'ils ont appris, au lieu d'attendre d'être embauchés, par exemple, par l'État ou par d'autres personnes qui ont déjà des entreprises, mais surtout qu'il y ait cette idée de créer leurs propres entreprises et que c'est maintenant à leur tour de donner de l'emploi et ainsi contribuer au développement de notre pays. Et aussi, l'objectif, c'est pour faire connaître l'incubateur au féminin qui existe à Médica Mondial, qui est là pour accompagner, soutenir toutes ces femmes, toutes ces filles qui ont des projets ou qui ont des projets en tête ou en cours, que Médica est là pour les accompagner à arriver à être des femmes entrepreneurs. Certains étudiants sensibilisés affirment avoir appris quelque chose de spécial via ces sensibilisations. Le projet de Médica Mondial nous a appris à avoir une vision et nous les remercions énormément d'être venus. Ce projet m'a aidé à savoir que je dois avoir une vision dans ma vie et de ne pas avoir la peur parce que je suis une femme ou je n'ai pas de capital. Il faut seulement avoir la vision et autre chose viendra. Il faut avoir une idée de ce que tu veux faire. À travers ce que j'ai appris, j'ai eu confiance à moi. Et autre chose, j'ai appris de montrer mon talent parce que moi aussi, Dieu m'a donné les différents talents. Si je prends quelques talents parmi de ce que j'ai, par exemple, à travers ce qu'elle a dit. Elle a dit que ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Je suis étudiante, mais quelquefois dans mon temps libre, je vends des bonbons et des papiers, et par là, je gagne de l'argent. Donc, ça m'a donné encore du courage pour que je puisse avancer dans ce petit commerce que j'exerce. J'étais très contente d'écouter le témoignage de cette femme à propos de son parcours dans l'entrepreneuriat. Ça m'a appris et je me suis rappelée de beaucoup de choses. Avant, j'élevais les abeilles, mais ça n'a pas marché parce que les malfaiteurs m'ont volé ces abeilles. Par après, j'ai abandonné parce que je n'avais pas les moyens. J'ai arrêté par là. Juste pour dire que la femme qui a témoigné m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, quand les gens te découragent, c'est là même tu dois prendre du courage pour entreprendre. Il ne faut pas écouter ce que les gens parlent. Ce que cette femme nous a appris, c'était très intéressant. Le temps était court. Je voulais qu'elle continue à nous dire plus, parce que ce qu'elle était en train de nous dire, c'est ce que nous traversons dans notre vie quotidienne. J'ai entendu des obstacles qu'elle rencontrait, qu'elle était découragée, mais elle a continué. Il y a 5 choses très importantes que j'ai apprises sur elle. Premièrement, la personne doit d'abord se connaître avant de commencer à faire quoi que ce soit. Elle doit connaître son talent. Deuxièmement, après l'avoir su, tu te poses cette question. Est-ce que je suis capable de faire ça? Après, il faut mettre ça en pratique. Montrer aux autres ce que tu peux faire ou ce que tu fais pour acquérir des bénéfices, parce que avec la vie que nous menons, nous avons besoin de l'argent. Et autre chose, c'est avoir confiance en soi. Toi-même, tu te dis, ce que je vais faire, je sens que je suis capable de le faire. C'est mon talent et personne ne peut m'arrêter. Je vais travailler jusqu'à ce que j'arrive à mon objectif. J'ai compris une autre chose, de ne pas écouter les paroles des gens qui me découragent. Des gens peuvent te dire, tu es incapable de faire ceci et cela, mais quand c'est ton talent, tu peux le faire et ça peut marcher. J'ai donc appris de ne pas être découragée, de continuer à travailler. Franchement, le temps était court. Je voulais qu'elle continue à nous apprendre beaucoup plus. Le manque de moyens, de confiance en soi et de formation sur l'entrepreneuriat sont des obstacles qui empêchent la jeunesse et surtout le monde féminin à entreprendre. Ce qui fait que les jeunes n'arrivent pas à entreprendre, on se dit qu'on n'a pas le capital suffisant pour commencer. Mais on oublie que quand on a la vision, on peut trouver le capital. Même si tu parles à quelqu'un à propos de ta vision, de ce que tu veux entreprendre, la personne peut te soutenir ou elle peut te dire comment trouver le capital pour commencer grâce à cette vision que tu as. Grâce à ce plan de ce que tu veux réaliser, c'est possible. Ce qui est comme obstacle pour nous les jeunes, on se sous-estime. Par exemple, je peux dire que comme je suis une femme, si dans mon quartier il y a un manque du charbon, au lieu de prendre en main cette opportunité, je commence à penser ce que les gens peuvent dire s'ils me voient en train de vendre le charbon. Donc, ça demande du courage et d'avoir la vision de ce que tu veux réaliser. Ce que j'entends souvent, ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas de conditions pour commencer. La pauvreté, il y a ceux qui aimeraient faire le commerce, mais ils n'arrivent pas à le faire. Autre chose, ils ont la peur, la honte. Ils se disent que si quelqu'un me voit avec un panier de tomates ou les avocats, ce sera la honte pour moi. Quand on essaie de penser, par exemple, chez nous les femmes, il y a la peur qui nous domine, la honte aussi. Et si on pouvait mettre ça de côté, on est capable. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire, c'est seulement cette peur qui nous domine. Les femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes et se disent que si quelqu'un me voit en train de faire ceci et cela, par exemple, à propos de lever les abeilles, on a cette habitude de penser que ce sont seulement des hommes qui font ça. En ce moment, les femmes se sentent comme si elles font ce genre d'activité. Les gens vont se moquer d'elles. Donc, nous les femmes, on n'a pas confiance en nous. Même les femmes entrepreneurs qui se sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat déplorent les défis auxquels elles font face. Les obstacles que j'ai rencontrés dans cette routine d'entrepreneur, eh bien, c'est des obstacles, je dirais, selon les saisons, selon les périodes, selon les âges, selon le type de projet, les obstacles sont vraiment différents. Au début, quand j'étais encore jeune, l'obstacle était d'abord moi-même, le self-confidence, avoir confiance, l'estime en moi. L'obstacle aussi pour démarrer, c'est que tu trouves l'appui dans la famille, dans ton foyer, et que tu arrives vraiment à gérer ton temps entre la famille et le travail. Ça, c'est un grand défi. L'autre obstacle aussi, c'est les ressources financières. Et aussi, un autre obstacle, c'est qu'on veut tous entreprendre sans avoir vraiment les connaissances en entrepreneuriat, en gestion, en comptabilité, les connaissances minimales. Ça, c'était au début. Mais maintenant, je crois qu'il y a de plus en plus de petites formations pour les jeunes, pour les femmes, qui vous permettent vraiment de bien commencer et faire moins d'échecs. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de défis. La gestion du temps, l'équilibre familial, mon équilibre personnel moi-même, entre mon temps, entre ma profession, entre mon temps de loisir, m'occuper de ma santé, mon temps pour les relations, mon temps pour le spirituel. La gestion de tout ce qui fait une femme équilibrée, ça reste un défi. Il y a un autre grand défi aujourd'hui, c'est de trouver les ressources humaines adéquates. C'est de les former, les adapter à ton projet. Les ressources financières, bien sûr, restent toujours un grand défi. Mais il y a toujours moyen de les contourner quand le projet est bien bâti et quand on a bien préparé l'évolution, le planning du projet, il y a toujours moyen de commencer petit et de progresser. Au début, dans le temps, il y a 20 ans, commencer un projet n'était pas difficile. C'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup moins de projets entrepreneuriaux. On le commençait de façon vraiment pas professionnelle. On n'avait pas besoin d'élaborer des business plans sophistiqués. Il suffisait d'avoir une simple idée d'entreprise, de faire une simple prévision des rentrées et des sorties. Et hop, on se jetait dedans. C'était pas aussi professionnalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, pour faire un projet, il faut vraiment bien l'avoir préparé dans un monde de concurrence, dans un monde où il y a beaucoup de gens éduqués, où il y a beaucoup d'influence de l'étranger. On ne peut plus le faire de façon improvisée aujourd'hui. L'un des plus obstacles que j'ai rencontré, c'était vraiment, pour moi, ça a été un plus grand défi. C'était de percer dans cette carrière où je n'ai pas de modèle à suivre en tant que femme. De percer dans cette carrière qui est mal perçue et me demander tout le temps est-ce que ton mari, il est blanc pour te permettre ce genre de choses. Donc, c'est une carrière qui est nommée MILF. J'ai dû faire profil bas et me concentrer d'abord sur les formations, les études, sur comment le faire bien, comment cadrer bien ma carrière. Et là, j'ai décidé de le faire incognito, sans que les gens connaissent ce que je fais réellement. Je me suis concentrée sur ça. Et aussi, je devais jongler entre la famille, ma carrière, mon foyer. Je devais être forte et maligne pour faire face à l'opposition et rester debout. Il y avait des gens qui m'ont encouragée. Il y avait vraiment des gens qui sont magnifiques, qui m'ont encouragée. Il y a même des gens qui m'ont dit, faut pas regarder ces sociétés burundaises parce qu'on doit faire quelque chose pour que ça change. Et les gens normaux, n'impactent pas le monde. Ça vraiment. Ils m'ont dit, ce que tu fais est anormal. C'est vrai, ce que tu fais est anormal parce que tu le fais ici au Burundi. Alors, ce ne sont pas les gens normaux qui ont impacté le monde. Et après, il y a mon père qui m'a dit, on jette toujours les cailloux à un arbre fruitier. L'émission Mukanyezi Seruka continue sur Isanganiro. Nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat chez les femmes dans le but de célébrer la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Cette émission est financée par l'Organisation internationale Médica Mondiale dans son projet Femmes Debout. Au moment où, le 27 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises, certaines femmes entrepreneurs qui collaborent avec Médica Mondiale nous parlent de la signification de cette journée est pour elle. La journée du 27 juin est très, très significative pour moi et devrait être vraiment significative pour tout le monde dans notre pays. C'est une journée qui devrait être reconnue sensiblement ici au Burundi, surtout en milieu féminin, puisque jusqu'à présent, la quasi-majorité des entreprises des femmes sont encore au niveau de micro-entreprises, petites et moyennes entreprises. Que signifie cette journée? Eh bien, c'est une très belle occasion de célébrer le pas franchi, de célébrer les réussites, de célébrer les innovations, de célébrer les role models, ceux qui ont essayé, ceux qui ont entrepris, ceux qui persévèrent. C'est vraiment une belle occasion pour encourager les startups, sensibiliser celles qui se croient incapables. C'est une belle occasion pour connecter le monde des jeunes entrepreneurs avec les institutions, les bailleurs et le gouvernement. C'est une belle occasion pour leur visibilité. C'est une belle occasion pour organiser des expositions, des temps de réseautage, des débats, des temps de lobbying et plaidoyer auprès des institutions en charge. Ça devrait être un temps où on réfléchit sur ce que les Anglais disent « the way forward », de faire un plan d'action, d'exposer vraiment les plans d'action, par exemple, de la Chambre de commerce envers les petites et moyennes entreprises, les plans d'action pour le ministère du commerce, le ministère du genre, le ministère de la jeunesse, des petits plans d'action simples accessibles, annuels, sur lesquels on travaille pour ensuite se réévaluer au 27 juin de l'année suivante. Surtout que le mot d'ordre maintenant du plus haut niveau, c'est que on nous dit donc il faut vraiment encourager les jeunes. Et si on veut un Burundi vraiment émergent au point de vue économique en 2040, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut éduquer, c'est aujourd'hui qu'il faut investir en eux, c'est aujourd'hui qu'il faut encourager les jeunes, parce que c'est eux qui, ce sont ceux qui ont 20 ans aujourd'hui qui seront aux affaires et dans les grands business en 2040. Donc aujourd'hui plus que jamais c'est le moment de les encourager, n'est-ce pas? Ça devait être une journée fériée pour que même les gens commencent à avoir cette idée de créer des entreprises, de travailler dans des petites entreprises. Parce que tu vois, il y a les gens qui croient que avoir une entreprise, c'est avoir beaucoup d'argent ou bien beaucoup de soutien. Donc, il y a des gens qui ne savent pas que même faire les samboussas, c'est une entreprise. Ce jour-là devait être pour que ça porte de l'attention, pour que les gens se lèvent et travaillent petit à petit une grande entreprise. Ces femmes entrepreneurs, en fonction de leur parcours, nous révèlent leurs objectifs à long terme. C'est avoir beaucoup de spectacles. C'est voyager au monde entier pour mon humour et savoir beaucoup de culture à travers mon humour et aussi impacter le monde, impacter la société burundaise et être un bon exemple pour les autres femmes qui ont peur de perdre, qui ont quelque chose mais qui ont peur, qui cachent leur talent, se disant que c'est mal, que les gens ne pourraient pas comprendre. Et là, entre-temps, tu es là, tu es au chômage, tu ne peux rien faire, alors que tu as quelque chose en toi. C'est être un bon exemple pour que les gens suivent, pour que les gens se lèvent et se disent, moi aussi, je suis capable. Mes objectifs à moi, c'est que je continue à explorer vraiment, exploiter mon potentiel, parce que je compte continuer à créer, continuer à aider les autres à créer. Et un de mes grands objectifs aujourd'hui, c'est de former et atteindre le maximum de jeunes dans le pays pour essayer de travailler avec eux dans les réflexions et la transformation de leur mentalité par les formations en leadership et en entrepreneuriat. Du côté de la jeunesse, elle propose ce qu'on peut envisager de faire pour aider la jeunesse dans ce domaine d'entrepreneuriat en mettant un accent particulier sur les femmes et les filles. Elles doivent se concentrer sur le projet qu'elles veulent réaliser et doivent bien connaître leur projet et savoir son avantage pour le mettre en exécution. Ce qui fait que beaucoup de femmes et filles ont peur d'apprendre, ont la peur d'entreprendre, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elles ne se donnent pas l'importance, elles ne se donnent pas de l'importance. Et quand on reçoit des paroles négatives, ça retire cette confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes. Mais quand tu es à l'aise et que tu as confiance en toi, tu peux le faire et ça peut bien marcher. Quand j'ai entendu qu'on va participer dans cette formation, j'étais dans la classe. Je n'avais pas encore participé à ce genre de formation, mais je suis venue. Je vous invite aussi à sensibiliser les autres jeunes ou les femmes à propos de l'entrepreneuriat et ça enlèvera aussi la peur qu'elles ont en elles et mettre ensemble leurs forces pour pouvoir entreprendre. Ça demande de participer souvent à ce genre de formation, comme par exemple cette formation que Medica Mondial vient de nous donner. On invite aussi des autres personnes qui peuvent faire ça, les entrepreneurs qui ont déjà un parcours dans l'entrepreneuriat pour nous motiver, pour qu'ils puissent nous donner leur témoignage et aussi avoir des gens qui peuvent nous soutenir dans nos projets pour voir que nous aussi, on peut s'en sortir. Les femmes et les filles doivent savoir qu'elles sont capables. Elles doivent avoir cette révolte en elles de ne pas accepter de dépendre sur une autre personne tous les jours. Elles doivent avoir cet esprit de responsabilité et se mettre debout pour travailler. De la même façon que nous attendons les gens qui disent que nous, les femmes, nous sommes faibles. Et dans cette même faiblesse, quand on a une personne qui nous soutient, nous pouvons réaliser des grandes choses. Ceux qui sont en train de nous sensibiliser, qu'ils continuent. Et même les parents doivent aussi contribuer à sensibiliser leurs enfants en leur montrant qu'elles ont la possibilité de se développer. Les hommes aussi doivent soutenir leurs femmes dans leurs projets qu'elles veulent réaliser. Avant de clôturer cette émission, ces femmes donnent des conseils aux autres femmes et filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Les conseils que je peux donner à la jeunesse, principalement aux femmes et filles pour qu'elles puissent arriver à leur autonomisation économique. C'est juste que je peux leur dire, il faut te poser de bonnes questions. Il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs dans la vie. Il faut faire quelque chose, il faut te dire que moi-même je dois faire quelque chose. Dans le Kirundi, on dit, ou ta kodina kadi, celui qui ne travaille pas, qui ne mange point. Il faut te dire ça. Est-ce que moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais de mes journées, de mon temps? Qu'est-ce que j'en fais de mon temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Il faut savoir valoriser notre temps et non savoir faire. Il faut savoir valoriser ça. Il faut créer du travail. Il faut créer du travail. C'est ça le conseil. Je leur dis tout simplement, prenez courage. Croyez au potentiel qui est en vous. Sachez que vous êtes spécial. Quel un grand potentiel, une grande semence en vous à exploiter. Il faut que vous acceptez d'apprendre, d'observer, d'avoir des modèles. Apprenez à investir en vous. N'hésitez pas à aller apprendre encore de nouveau. Même si vous êtes déjà diplômé, que vous avez des certificats, osez aller apprendre encore des autres. Tout s'acquiert par le courage et le travail assidu, aussi la curiosité. Vous avez des dons, vous avez des talents à exploiter pour servir, pour commencer à être autonome vous-même, pour servir votre pays, pour servir vos familles. Et vous êtes des éléments importants pour participer à la reprise économique de ce pays. Les conseils que je pourrais donner à la jeunesse, principalement aux femmes et filles qui veulent entreprendre, c'est que quand on est dans l'entrepreneuriat, quand on veut se lancer, il faut d'abord développer une confiance en vous. L'entrepreneuriat peut être intimidant, surtout pour les femmes, mais on doit se rappeler qu'on a des compétences et le potentiel nécessaire pour réussir. Et en deuxième lieu, je pourrais dire qu'il nous faut constituer un réseau de soutien. Parce que s'il n'y a pas de réseau, et c'est ça à quoi va servir l'incubateur au féminin qui se trouve à Médicaments Mondial, ça va permettre à différentes femmes, filles de se rencontrer et de créer un réseau et de s'entourer des mentors. On a déjà des femmes entrepreneurs qui ont déjà des entreprises qui peuvent servir d'exemple avec les femmes entrepreneurs avec qui on était aujourd'hui et qui ont témoigné et qui a permis aux jeunes étudiants d'apprendre de ces femmes et se demander pourquoi pas moi? Est-ce que moi je ne pourrais pas faire comme madame a fait? Et surtout, il faut continuer à se former, ne pas cesser à apprendre, suivre des formations, des ateliers, des conférences. Heureusement que maintenant il y a les réseaux sociaux, on peut trouver ce qu'on veut selon les talents qu'on a ou selon l'entreprise qu'on veut développer ou selon le projet qu'on a. Il y a les réseaux sociaux qui sont là, il y a les bibliothèques, il y a les formations en ligne. Ne pas cesser de se former continuellement. Et en quatrième lieu, je pourrais dire, on en a parlé pendant les sensibilisations, pendant les discussions qu'on a eues avec les étudiants, il nous faut avoir une vision. Quand on n'a pas une vision, on ne sait pas où on va. Et donc, on ne peut rien faire et on ne peut rien entreprendre. Et quand on a une vision, c'est facile de faire un plan d'affaires clair. Je répète toujours que l'incubateur qui accompagne ces femmes est là et que c'est notre travail d'accompagner les femmes entrepreneurs, de les soutenir, de les former, de donner ces formations sur le développement personnel, sur le leadership. Et aussi, je terminerai par dire qu'il nous faut être persévérants. En tant que femme, en tant que fille, en tant que jeune, il faut être persévérant pour lutter contre les défis, les obstacles auxquels on doit faire face. Il faut rester déterminé et garder à l'esprit que les moments difficiles font aussi partie du chemin vers le succès. Et aussi, ne pas avoir peur de prendre des risques. Parce que l'entrepreneuriat implique de sortir de sa zone de confort et être audacieuse et ne pas hésiter à tenter de nouvelles initiatives. Et surtout faire valoir nos atouts féminins. Les femmes apportent souvent une perspective unique et des compétences complémentaires dans le monde des affaires. C'est donc par ici que prend fin l'émission Mukanya Diseruka pour aujourd'hui. Elle porte sur la sensibilisation sur l'entrepreneuriat dans différentes universités de Bujumbura et Kayanza. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec médiatrice Ndikumana. Restez branchés sur nos ondes. Le programme continue sur la radio Isanganiro. Mukanya Diseruka. Ibyari magera byarageruye. Mukenyezi Seruka, ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Isanganiro.